frais pour une vague de nouveautés. C'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 3 heures de ces nouveautés qu'on a reçues. On n'a aucun francophone cette semaine, malheureusement, donc on va commencer par la musique canadienne. On va entendre, entre autres, Bradley avec Pink Pill Program, Shine de Rob Gordon, The First Time, Taking Breaking Down. Mais on commence par Nathan avec l'album Key Principles. Voici John Paul's Deliveries à La Chance au coureur. Thank you. I'm a very simple man. I mean, the thing is that I'm a human being and I can only do what God gives me. That's formation canadienne Nathan. L'album s'appelle Key Principles et c'était John Paul's Deliveries. À la chance au coureur, parlons un petit peu de ce groupe de Winnipeg qui est Nathan, n'est-ce pas? Un groupe de folk rock pop country qui se retrouve au nathanmusic.ca ou myspace.com/NathanBand si vous voulez plus d'informations. Les membres sont Kerry Latimer à la voix, la guitare acoustique, la guitare électrique et le theremin. Shelley Marshall à la voix, la guitare électrique, l'accordéon et le banjo. David Latimer à la basse et la voix et Damon Mitchell à la batterie, percussion, harpe et voix. Il va être en spectacle un petit peu partout. Winnipeg, Manitoba, Calgary, en Alberta. Et puis, je ne vois pas de Québec dans leur liste. Ah oui, petit campus. Pourquoi pas un petit tour au petit campus? En fait, c'est écrit le petit campus. Donc, nouvelle place. C'est à Montréal, c'est le 16 août prochain à 20h. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, c'est myspace.com/NathanBend. Vous pouvez entendre des pièces, dont Scarecrow et Daffodils, qu'on a entendu, on vient d'entendre Scarecrow. La pièce qui vient de jouer, c'était bien Scarecrow. Avant ça, c'était John Paul's Deliveries. Et maintenant, c'est Daffodils à la chance au coureur. À C'est fou 89.1 FM. Change the locks and the chandelier. Dug up the daffodils I planted in our first year. Cupboards filled with bottles of pills. English ivy wilting on the windowsill. Slippers up the stairs, but there's no one there. And the daffodils keep coming back. A cruel draft and a creak in the hall. It's got you scratching your head, pulling pipes from the wall. Trees bend to the river's ear and whisper whatever. To the lady who used to live here, did she simply walk away? All the crows cry foul play. Winter covers up the tracks, but the daffodils keep coming back. Bluster will replace the plans that you made. You buried the bones in the garden and covered your tracks. Now the daffodils keep coming back. Troisième album de Nathan sort le 5 juin. Maintenant, on passe à The First Time. Voici de leur album Taking Breakdown, la pièce What Is This? Shots, baby. La formation ontarienne The First Time avec leur album Taking Breakdown et la pièce Perception précédée de What Is This? Ben, c'est la chance au coureur! Parlons un petit peu de The First Time. Ben oui, The First Time, un groupe de rock alternatif de Toronto. D'ailleurs, le magazine Amplifier dit que c'est un Welcome Ear Jolt. C'est très bienvenu, c'est un coup de quelque chose dans les oreilles. Enfin bon, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je m'attendais pas à ça, encore une fois, ça arrive plutôt régulièrement à la chance au coureur qu'on reçoit un album. Et là, je veux pas vexer la personne qui a fait le design graphique, parce que c'est sûrement un des membres du groupe, mais affreusement laid, quand même. Donc, on dirait que ça a été fait dans Word, la police par défaut, avec un petit effet de fade du noir au blanc. La pochette au complet est très très blanche. Le petit logo de The First Time, le TFT, et dans le nom The First Time, le I de First est un 1. Donc, en tout cas, ça fait un petit peu dur en regardant ça, mais la musique, moi, j'ai trouvé ça très bien. TheFirstTime.ca, c'est leur site web, ou encore MySpace.com/TheFirstTime. Leur premier single s'appelle What Is This, qui a été envoyé à un paquet de stations universitaires partout au pays. Ils vont être en spectacle à Montréal, au Petit Café Campus, le 7 juillet. Si vous écoutez en direct le vendredi, c'est demain soir, samedi à 20h. On va être aussi un petit peu partout en Ontario, à Burlington, Cambridge, London et Toronto. On s'en va entendre une troisième pièce de leur part qui s'appelle Taking Breakdown. Voilà, qui est la première pièce de leur album. Et ensuite, on transitionnera à un prochain groupe canadien qui s'appelle Bradley. Mais tout de suite, voici The First Time avec Taking Breakdown à la chance. Au coureur! I don't want- Au retour, notre première heure canadienne continue avec les formations Shine et Bradley à la chance au coureur. Et on continue avec Rob Gordon de son album Shine. Voici Wake Up à la chance au coureur. Thank you. Écoutez la musique de demain, aujourd'hui. C'est fou 89.1. Deux pièces de Rob Gordon, artiste canadien. Son album est Shine. On vient d'entendre Wait For Me In Mexico, précédé de Wake Up ici à la chance au coureur. Donc, Rob Gordon, Shine, ça fait 2 ans qu'il travaille là-dessus. Et c'est donc il dit 2 ans en production et toute une vie à accumuler des expériences. Donc, Shine, pour lui, c'est des chansons pour la nouvelle évolution. Sa première pièce qu'on a entendue, Wake Up, est une déclaration rythmique de dégradation environnementale et certaines réponses. Et il dit que c'est plutôt puissant. Ensuite, Wait For Me In Mexico, c'est une chanson mélodique et percussive, une chanson d'amour avec une saveur espagnole et de la super instrumentation, en tout cas des instruments vraiment cool, c'est ce qu'il dit dans son petit document qu'il nous a envoyé. Il nous a pas beaucoup envoyé d'informations sur lui-même, par contre, malheureusement, mais son site web est sur le robgordon.ca, robgordon.ca. Voilà pour lui. Maintenant, il nous reste une troisième pièce à aller écouter. Puis on va entendre la pièce titre de son album Shine. Et ensuite, on passera à Bradley avec son album Pink Pill Program. Mais tout de suite, Rob Gordon, Shine, à la chance coréenne. Thank you. of the world. Tomorrow never knows just what will be, and yesterday seems now like a fantasy. Long lost faces, sweet memories of mine. I thank you all for a time to shine, yeah. Pete and Steve, we started out on the road to what we're all about. Terry went away to fight a war, open up the way for the corporate overlord. Jackie, your kindness will survive. John and Duke, I hope music is alive, yeah, yeah. Shine, shine, shine. Someone said, I can't remember who was blazing my head. Kevin, may the walls come tumbling down. Marcy, I look for you, but you weren't around. Donny, your wisdom will appear. Speak it from your heart and make it clear. L'artiste est Rob Gordon et l'album est Shine. Maintenant, on passe à Bradley, son premier album. Voici Pink Pill Program et la pièce Girl on TV. À la chance au coureur! Au 89 FM, c'est fou! I want you to be the girl that I see on. Bradley, Pink Pill Program est le nom de l'album. C'est sorti depuis le 3 juillet. On a entendu les pièces So High précédées de Girl on TV. On va l'entendre Too Long dans quelques secondes, mais avant, parlons un petit peu de lui. C'est Brad Ferguson qui vient de Vancouver. Il a déjà joué et enregistré avec Lily Frost, Christy Thirsk et Econoline Crutch. Toujours de la misère à dire, tellement que ça me fait bafouiller. Econoline Crutch est le nom du band, voilà. Donc, même si son premier album sort sous le nom de Bradley, il a déjà eu du succès avec son autre band Joystick, avec des pièces qui ont fini sur les drames sonores, au moins dans l'émission The L Word. Hey, mon anglais est The Dead Zone. Donc, sur le premier album de Bradley, Pink Pill Program, il a enregistré au complet dans son sous-sol de Vancouver. Il dit dans son texte qu'il a réussi à capturer l'émotion crue du moment et la confusion de toute cette affaire-là. et directement traduire ça en son et en chanson. Voilà. Donc, de la musique, surtout électronique, comme vous l'avez entendu. Pink Pill Program, c'est myspace.com/pinkpillprogram pour aller voir Bradley. Et puis, sinon, c'est bradley.bz. Il va être en spectacle le 17 juillet à l'Agité à 20h à Québec. 17 juillet, 20h. Et le 18, toujours à 20h, à Montréal, à la place qui s'appelle The Green Room. Donc, retenez, 17 juillet, l'Agité, 18 juillet, The Green Room, c'est les deux à 20h. Maintenant, on écoute une troisième pièce de Bradley ou Brad Ferguson. Voici Too Long à la Chance au coureur. L'émission des découvertes musicales. En même temps que vous, je les découvre. En même temps que vous, parce que je les connais pas d'avance. Hein? C'est la Chance au coureur, tu sais. Moi, je suis de l'avis qu'on devrait pousser la chance de Bradley avec une quatrième pièce. Et comme je suis l'animateur, ben, vous allez devoir passer au travers. Voici Aline Obscen de l'album Pink Pill Program. À la chance au coureur. Seen. Vous avez aimé Bradley avec Pink Pill Program, restez là parce que la deuxième heure va être presque complètement électronique avec entre autres l'album de Lights Out Asia et de Run Return à la chanson coureur. La deuxième heure de la chanson coureur va être presque complètement électronique. On commence par Run Return, l'album s'appelle Some of an Abstract et voici au moins les deux premières pièces, Airlines et Thoughts Broken by Footsteps. Vous écoutez l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Et en passant, si vous avez raté les titres des albums de la première heure, allez voir le www.unechance.com pour tous les liens de cette semaine. Vous écoutez La Chance au coureur et vous écoutez le nouvel album de Run Return, Some of an Abstract. J'espère que vous appréciez autant que moi. On écoute le début de l'album. Ça, c'est la pièce Airlines. On s'en va entendre Thoughts Broken by Footsteps. Restez avec nous parce que plus tard, on va entendre d'autres formations, dont Lights Out Asia. Une qui a un nom bizarre, Micaela Vera, quelque chose. Et l'autre qui s'appelle Proem Permanent Solution. Je crois que l'artiste doit être 4MD145. C'est bizarre l'électronique des fois. Donc voici tout de suite la deuxième pièce de Run Return. Elle s'appelle Thoughts Broken by Footsteps. À la chance au coureur. Très bonne pièce de Run Return. Thoughts Broken by Footsteps, leur album, et Some of an Abstract. Moi, je me garde avec une troisième pièce. Je pense que si les choses continuent bien comme ça, on va peut-être passer la deuxième heure au complet dans l'électronique. J'espère que vous aimez ça. L'émission va tellement bien aujourd'hui. Tellement de bonne musique. J'ai fait des petits cœurs comme ça. Vous devriez voir ça, comment c'est beau. En passant, si vous avez des commentaires en direct le vendredi matin, téléphonez-nous ou téléphonez-moi au 819-376-5183, le 376-5183, ou passez par le site web pour laisser vos commentaires. C'est unechance.com, unechance.com. On continue avec une autre pièce, Run Return. Encore une fois, elle s'appelle A Serious Joint. Je me répète, mais c'est quand même A Serious Joint. C'est aussi sérieux que la chanson pouvoir, en fait, quand on y pense. Peut-être mieux pas. Thank you. Troisième pièce de Round Return, A Serious Joint. L'album s'appelle Son of an Abstract. C'est un trio urbain du nord de la Californie, formé à Santa Cruz en Californie en 99. Et évidemment, vous aurez deviné qu'ils font de la musique électronique. Ils utilisent du processing numérique en plus d'utiliser des instruments traditionnels et des synthétiseurs vintage. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur la formation, c'est le runreturn.com, runreturn.com. C'est très bon. Encore une fois, le titre, je le rappelle, c'est Some of an Abstract. Maintenant, on passe à un autre album d'électronique. Hein, pourquoi pas? C'est The Prom. Il s'appelle A Permanent Solution et on commence par la pièce Blacker the Berry, comme dans Blackberry, j'imagine. C'est publié par, ou plutôt édité par la même compagnie que Run Return, donc ça devrait être dans le même style, j'imagine. Voici tout de suite Prom à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à C'est Fou 89.1 FM. We'll be right back. Richard Bailey avec son sixième album studio A Permanent Solution, la pièce Blacker the Berry. C'est un Texan, ce Richard Bailey, et voici une deuxième pièce, Secret Knots. À la chance au coureur! Troisième pièce de Prome, ou Richard Bailey, l'album est A Permanent Solution, la pièce c'est Jewel Carrier. Richard Bailey qui dit lui-même déchirer le sac d'ambiance atmosphérique qu'il cachait derrière lui et il verse le contenu sur les tracks, sur les pièces, comme de la mélasse ou du sirop épais, peu importe le sirop. Vraiment. Pour plus d'informations, allez voir n5md.com, c'est le site de l'étiquette. N5MD qui a édité l'album de Run Return tantôt. Qui, d'ailleurs, petite comparaison, Run Return avait une pochette complètement normale, un paysage avec des antennes, alors que celui de Prome est plutôt bizarre. On voit des mains, on voit une tête, une lune, c'est flou, il y a des nuages, on ne sait pas ce que c'est supposé représenter. Est-ce sa vision du ciel? C'est bizarre, voici. C'était tantôt la pièce Secret Knots. J'inverse tout le temps les pièces. Tantôt Secret Knots, maintenant Jewel Carrier, voici Prome. À la chance au coureur. We'll be right back. une troisième pièce de Prome, Dual Carrier à la chance au coureur. On pourrait certainement dire que vous écoutez C'est fou 89.1 FM. Avec le plus de styles musicaux différents dans la même émission, on pourrait même dire la plus grande variété musicale en Mauricie. Mais bon, que voulez-vous? On écoute l'album qui s'appelle A Permanent Solution et on se gâte parce que les pièces sont plutôt courtes sur cet album-là comparé à de l'album de tantôt, Run Return. Donc voici News Cruel. Et plus tard, restez là parce qu'on va entendre d'autres artistes, dont Damiac avec Mikala Vera et Lights Out Asia avec Tanks and Recognizers. Mais pour l'instant, voici Prome avec News Cruel. À la chance au coureur! À C'est fou 89.fm. Le nouvel album de Prome s'appelle A Permanent Solution. Restez là parce que, à venir, dans cette deuxième heure, on continue notre deuxième heure électro avec Damiac et Lights Out Asia à la chance au coureur. Deuxième moitié de notre deuxième heure complètement électro. On écoute Damiac avec l'album Mikala Vera et la pièce Safe Passage. Passage, genre. La chance au coureur. Thank you. Demiak, oui, avec un album qui m'a l'air différent des deux autres de tantôt, mais on va écouter quand même les 15 premières minutes de l'album pour se faire une vraie bonne idée. Ça, c'était la pièce Safe Passage. On écoute maintenant Tall Hat Greeting. L'album s'appelle Mika Lavera, et si vous voulez plus d'informations, allez voir le demiak.com, D-A-M-I-A-K.com, ou encore myspace.com/Damiak, qui est beaucoup plus complet, ou passez par le site de l'émission au unechance.com, le www.unechance.com. Demiak ou Abe Dishi, qui fait de l'électronique expérimentale pop, lui aussi, est sur l'étiquette N5MD. C'était la pièce Tall Hat Greeting. Voici une troisième pièce, Iridescent Wings. À la chance au coureur, on découvre les nouveautés musicales avec vous, et c'est la deuxième heure complètement électro. Thank you. La pièce Iridescent Wings de Demiek. L'album s'appelle Mikala Vera. Il se dit une entité musicale cosmopolitaine. Il passe la plupart de sa vie entre le Mexique, l'Europe et les États-Unis. Il a travaillé pour le mixage et le mastering de cet album avec Mio et Valgar Sigurdsson, qui ont travaillé avec Björk, Mom, Bunny, Prince, Billy et plusieurs autres. Ça a été enregistré en Islande et le titre de l'album Mikala Vera pourrait se traduire en français sous le nom de « Mon squelette ». Il utilise de la guitare, du mélodium, harmonium, violon, piano, des enregistrements sur le terrain et de vraies batteries, en même temps que des éléments électroniques. Voilà, donc c'est Demiek. On continue avec une quatrième pièce. Voici « Tenuous Gears ». À la chance, au coureur. Thank you. Damiek avec Tenuous Gears, quatrième pièce de son album Mi Calavera. À la chanson Kura. Si vous voulez plus d'informations sur Damiek, allez voir damiek.com, damiak.com ou encore myspace.com/damiek pour entendre quelques pièces de l'album. Voilà pour lui. Maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Oui, c'est vrai. C'est Lights Out Asia. Leur album s'appelle Tanks and Recognizers. Oui, une petite correction avant de continuer. Vous savez, quand je me rends compte d'une erreur, j'aime bien la corriger. Tantôt, on a entendu l'album de Run Return. J'ai découvert que N5MD ont refait cet album-là. Donc, c'est un repress, comme ils appellent, d'un album qui est sorti il y a quelques années, qui n'était pas disponible depuis longtemps. Ça a été remasterisé et repackagé, comme ils disent, avec trois pièces bonus. Donc, l'album Sum of an Abstract. Maintenant, passons vraiment à Lights Out Asia. Leur album est Tanks and Recognizers et voici Roy à la chanson coureur. We'll be right back. La première pièce du nouvel album de Lights Out Asia, Thanks and Recognizers, la pièce Roy. On s'en va entendre la deuxième qui s'appelle Ring of Stars. C'est leur deuxième album pour le trio du Wisconsin Lights Out Asia. C'est leur premier sur N5MD. Et puis, on parlera d'eux tantôt, entre autres. On peut même en parler tout de suite. Ils sont influencés présentement par des artistes qui pensent comme eux, comme Mogwai, Massive Attack et Robin Guthrie. C'est ce qu'ils aiment. C'est ce qui les inspire. Ils mélangent tout ça ensemble. Et ça donne Lights Out Asia. La chance au courant. Ah, ça bouge, mais c'est en même temps tellement relaxant. La musique de Lights Out Asia et la pièce Ring of Stars, leur album Thanks and Recognizers, deuxième album de cette formation. Très, très, très. Donc, et voilà, la deuxième heure électronique a passé tellement vite. J'espère que vous aimez la musique électronique. J'espère que vous êtes détendu, que vous êtes bien calme pour une troisième heure qui va avoir, entre autres, du punk et de l'alternatif anglophone. Mais avant, on se gâte avec une autre petite pièce, Foursquare, de la formation Lights Out Asia, tout de suite. À la chance au coureur, je vous rappelle que vous écoutez l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Tout ce qu'on a reçu, c'est fou. Pressé, compressé dans une émission de 3 heures. Les vendredis matins, on rappelle les samedis et mardis après-midi sur votre Radio Campus à Trois-Rivières, c'est fou 89.1 FM. Foursquare, de Lights Out Asia. Leur album est Thanks and Recognizers. Pour plus d'informations, allez voir lightsoutasia.com ou myspace.com/lightsoutasia. Au retour, on joue au tic-tac-toe musical avec, entre autres, The Mission UK et The Beasts of Eden à la chanson coureur. On commence la troisième heure de la chanson coureur par des restants de punk de la semaine dernière. Voici Silverstein et Still Dreaming au 89 FM. Could See Into My Soul de la formation Silverstein. Nouvel album Arrivals and Departures en magasin depuis le 3 juillet. Ils viennent de Burlington en Ontario. Les membres sont Neil Bosshart à la guitare, Josh Bradford à la guitare, Bill Hamilton à la basse, Paul Kohler à la batterie et Shane Todd à la voix. Il va être en spectacle, si vous écoutez en direct le vendredi, c'est demain soir, le 7 juillet à 20h au Arrow Hall de Mississauga au Québec. C'est leur seule date au Québec présentement. myspace.com/Silverstein, S-I-L-V-E-R-S-T-E-I-N. Je crois que j'ai pas à vous l'appeler, mais quand même, sur Internet. Voilà, ou sinon leur site, c'est silversteinmusic.com. Voilà qui fait le tour pour leur album Arrivals and Departures, un resteur de punk de la semaine dernière. Même chose pour le prochain album, un autre album de punk. On passe à travers notre tic-tac-toe musical. Je sais pas si on va avoir le temps de passer au travers de tout. On a The Mission UK, The Beast of Eden, Putumayo présente Americana, The Serpent, un album de metal Alford, Metal God Essentials Volume 1 et une autre compilation qui est The Music of Artisanship and War Volume 1. Donc deux compilations de metal peut-être vers la fin, mais pour l'instant, voici une formation qui s'appelle Gallows. Leur album est Orchestra of Wolves. Et là, je vais lire quelques critiques rapides. Le fondateur de Epitaph et Bad Religion dit punk, le punk est de retour et son nouveau nom est Gallows. Voilà. Ensuite, NME dit ils sont anti-ennuyants. Être ennuyé dans le fond. Hein, l'antithèse du rock safe, comme il dit. Et le genre de band qui importe vraiment. Kerrang dit que c'est le nouveau band le plus excitant du monde. Et la prochaine citation, et je cite simplement un autre groupe de punk avec quelque chose qui peut faire crier les gens. Donc, et ça, c'est Gallows eux-mêmes qui l'ont dit. C'est bon. Hein? Donc voici tout de suite Gallows avec leur album Orchestra of Wolves, la pièce Kill the Rhythm. C'est ça, non, c'est juste Kill the Rhythm. C'est maintenant à la chance. Oh, courage! Gallows avec Kill the Rhythm à la chance au coureur. Leur album, c'est Orchestra of Wolves. Honnêtement, je vais être honnête avec vous pour vrai. J'avais prévu une deuxième pièce, mais je vais vous laisser aller les entendre sur le myspace.com/Gallows. Question de garder ma tête pour aujourd'hui. Votre spectacle le 12 août 2007 à 20h au Parc Jean-Drapeau pour le Warped Tour à Montréal, donc le 12 août à 20h. Les membres du band sont Frank Carter à la voix, Laurent Bernard à la guitare, clavier et voix, Steph Carter à la guitare et la voix, Stu Gilly Ross à la basse et Lee Barrett à la batterie. Si vous voulez plus d'informations, allez voir Gallows Rock and Roll et Rock N, la lettre N en roll.com. Ils viennent de Hertfordshire. Non, j'ai toujours de la misère avec les noms de places en Angleterre. Je ne sais jamais comment les prononcer. Et voilà, le sud-est du Royaume-Uni. Toutes leurs pièces de tout l'album au complet sont sur le myspace.com/Gallows. On passe du punk à de la musique gothique alternative rock. Le nouvel album de la formation The Mission UK, God is a Bullet. On commence par la pièce Still in Deep Waters. Still Deep Waters. À la chance! Au coureur, on découvre les nouveautés musicales avec vous. Restez là, parce qu'il nous reste encore un bon 40 minutes jusqu'à Rock Classique à 13h le vendredi. Sinon, c'est la dernière porte à gauche à 17h les samedis et mardis soir. The drug that numbs the pain. You are the bone that soothes the The Mission UK avec deux pièces de leur nouvel album God is a Bullet. C'était Keep It in the Family précédé de Still Deep Waters à la chance au coureur. L'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Donc The Mission, un groupe de gothique alternatif rock britannique. Les membres sont, voilà, Wayne Hussey à la voix et à la guitare, Mark Gemini Thwaite à la guitare, Richie Vernon à la bass et Steve Spring à la batterie. Si vous voulez plus d'informations sur le band, allez voir themissionuk.com ou encore myspace.com/themissionuk. On passe à un autre groupe d'anglophones alternatifs, The Beasts of Eden, avec une pochette particulièrement plate, un fond blanc avec un logo et c'est pas mal tout. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. On écoute la pièce Skin tout de suite à la chance au courant. FM. Yeah. Pas mal du tout. The Beasts of Eden avec leur mini LP qui est en magasin maintenant. The Beasts of Eden qui fait dans le indie rock. Ils viennent de Brooklyn aux États-Unis. Je vais vous lire un petit peu de leurs extraits de biographie envoyés par l'étiquette. C'est un des textes que je trouve le plus stupide au monde. Mais juste pour vous donner un exemple de ce que c'est, de quoi ne pas faire pour intéresser quelqu'un comme moi ou pas mal n'importe qui en musique. Ça dit... je vais commencer par c'est ça, tiens, leur premier album End Times et c'est les 20 minutes les plus hot que vous allez passer en train d'écouter de la musique pendant toute l'année. End Times sera en magasin cet été et il va y avoir une campagne de marketing. Ils vont faire une grosse un gros blitz de tournée. Ils remplissent les bars à chaque fois qu'ils s'en vont là-bas. Et ça dit que le groupe écrit des chansons vraiment accrocheuses et ils jouent dans des clubs remplis. Enfin bon. Donc, The Beast, c'est sont comparés à Muse, à Jeff Buckley et à vos bands des années 80 préférées. Voilà. Et ils vont faire un concours cet été présenté par umix.com, U-MYX.com. Ça va être un concours de remix. Voilà, donc c'est à peu près ça. Mais c'est très, très mal écrit. Et donc, ça sort le 26 juin. C'est sorti le 26 juin, comme ça, en magasin. Et c'est sur Internet depuis le 15 mai. C'est à peu près ça pour The Beasts of Eden. J'avais absolument rien à dire là-dessus en fin de compte. Donc, on avance quand même assez rapidement. Il nous reste 3 albums de heavy metal, mais on commence la dernière demi-heure de l'émission par un album de Putumayo présente. C'est Americana cette fois-ci. Bon, vous connaissez Putumayo. Ils sortent un paquet de compilations sur différents sujets. Celui-ci, c'est l'Americana, donc de Austin à Asheville. Des chanteurs, des auteurs, compositeurs, interprètes contemporains explorent les racines musicales rurales de l'Amérique. On écoute tout de suite Robin Ella, voici Down the Mountain à la chance au coureur. Au 89 FM, c'est fou! I started down the mountain several years ago. Seems I could move much faster falling down those paths alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know, could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfarer, stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Water down a lonely mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfarer, stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. I'm winding down a river, I'll ride the silver road. Down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky. But I'll never climb a mountain for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfarer, stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Au retour, plus de Putumayo Presents Americana à la chance au coureur. Vous Vous êtes à la chance au coureur et on écoute une autre pièce de la collection Putumayo Presents Americana. Voici Mulehead avec Frankie Lee à la chance au coureur. Let's pack up our belongings and move down by the lake, where the home-cooked meals are spewing from the housewives on the take. What shall we do with Mary, her plastic hands upturned? I see that we've gained nothing from the lessons that we've learned. Blue flames burn in the distance, catfish washed up on the bridge. From everything I am to everything I'll be, goodbye Frankie Lee. The three-wheel bike is fast, you pedal it just right. Give you all up the sprockets and the master link is tight. An orange switchblade is handy when your jeans caught in the chain. See the steam rise from the asphalt in the early morning rain. Blue flames burn in the distance, catfish washed up on the bridge. From everything I am to everything I'll be, goodbye Frankie Lee. The old homestead is crumbling, the sleeping porch decayed. What of the old Victrola with the scary records played? You can search the whole world over, but there's nothing you can find that can't be recreated from a plank, not a pine. Blue flames burn in the distance, catfish washed up on the bridge. Everything I am to everything I'll be, goodbye Frankie Lee, goodbye Frankie Lee, goodbye Frankie Lee, goodbye Frankie Lee. Deuxième pièce de la collection Putumayo Presents Americana, c'était Mulehead avec Frankie Lee. Juste avant, c'était Robinella avec Down the Mountain. Il nous reste une troisième pièce à entendre, mais avant, renseignons-nous un petit peu parce que Putumayo adore faire des petits livrets en anglais, en français et en plusieurs langues dépendant de la collection. Donc, ils ont un petit peu de tien sur ce que c'est l'Americana, pour faire. La musique Americana contemporaine trouve ses origines dans la musique folklorique traditionnelle du 19e siècle, chère aux colons irlandais et écossais des zones rurales de l'Est américain. Au début du 20e siècle, les medicine shows ambulants et les string bands ouvrirent la voie à de nouvelles formes de musique populaire. Avec l'avènement de la radio, cette musique fut diffusée auprès d'un plus large public. Ces styles devaient avoir une influence durable sur l'évolution de la musique populaire américaine. Les artistes se mirent alors à mélanger divers genres musicaux, alliant un rythme de ragtime, country et jazz, pour donner naissance à la musique de jug band, au Texas swing et à cet ensemble intimiste qu'est la musique bluegrass. Après la Seconde Guerre mondiale, le vivier créatif de la musique americana s'agrandit encore, alors qu'un vent nouveau soufflait sur le folk, le blues, le bluegrass et que d'autres genres comme le rhythm and blues, le country, la musique western et le rock and roll voyaient le jour. Dans les années 60 et 70, cette période d'effervescence... Voyons, le seul mot que j'ai de la misère. D'effervescence créative, ces traditions américaines influencèrent toute une variété de musique populaire, des jams du groupe Grateful Dead, en passant par les tubes country rock des Eagles et des Allman Brothers. Les jeunes acolytes de la musique americana puisent désormais leur inspiration dans des sources musicales toujours plus variées. Le vent de renouveau qui souffla sur la musique bluegrass dans les années 80 mit en avant une maîtrise experte des instruments à cordes traditionnels. L'émergence d'une nouvelle génération d'auteurs, compositeurs, interprètes mit l'accent sur ce même esprit d'indépendance à l'origine de la musique americana. Enfin, en ce début de siècle, quand l'Amérique ne cesse de se complexifier, ses voix s'adressent à nous en nous rappelant des vérités simples et essentielles, celles de la liberté de mouvement, celles de pays bouillonnant en quête perpétuelle d'identité, celles de respect sincère et profond envers ces traditions anciennes qui ont permis à la musique américaine traditionnelle de se renouveler sans cesse. Voilà. Donc, tantôt on a écouté Robinella, donc c'était des étudiants, elle est le leader, Cruz Contreras, c'était étudiant à l'Université du Tennessee à Knoxville. Ils se sont rencontrés en 97. Ensuite, on a entendu Mulehead. Le leader du groupe a formé Mulehead après avoir connu un certain succès dans le monde du rock pur et du rock indépendant. Et on s'en va entendre The Little Willies avec It's Not You, It's Me. Les cinq membres du groupe se sont rassemblés à New York autour d'une affection partagée pour le swing texan et pour les compositions de Hank Williams, Willie Nelson et Chris Christopherson. Tout de suite, voici The Little Willies avec It's Not You, It's Me. À la chance! Au coureur, à C'est Fou 89.1 FM. Reconnu la voix de Norah Jones. C'était The Little Willies avec It's Not You, It's Me de la compilation Putumayo Presents Americana. Maintenant, on passe à du heavy metal. On change, mais complètement de style. Voici The Serpents avec leur album Still Remains et la pièce Dancing with the Enemy. À la chance au coureur, découvrons ensemble! dès aujourd'hui. C'est fou 89.1. Band Still Remains, oui, Band Still Remains avec l'album The Serpent et la pièce Stay Captive précédée de Dancing with the Enemy. Donc, Band Still Remains, oui, je le répète encore. Il y a de Grand Rapids dans le Michigan. Les membres sont T.J. Miller à la voix, Jordan Whelan à la guitare, Mike Church à la guitare et la voix, Adrian Bone Green à la batterie, Stephen Hetland à la basse et Ben Sharland au clavier. Voilà. Donc, du Michigan, oui, c'est bien ça. Ils vont être en spectacle le 12 août prochain à 20h à Montréal pour le Vans Warped Tour et un paquet d'autres endroits à l'intérieur de cette même tournée Vans Warped. Vous pouvez entendre des pièces, dont la prochaine qu'on s'en va entendre, je crois, si elle est assez courte, Oui, voilà, on s'en va entendre tout de suite rapidement. The Wax Walls of an Empty Room. Ça va terminer pas mal toutes les nouveautés pour cette semaine. On va sauter par-dessus quelques compilations de heavy metal parce que je me dis que c'est pas nouveau, c'est des compilations, en tout cas, à ce que je sache, à moins qu'on me corrige. Voici donc le band Still Remains et The Wax Walls of an Empty Room à la chance au coureur. C'est tout. Walls of an Empty Room de leur album The Serpent qui sort le 7 août prochain, Band du Michigan. Pour plus d'informations sur eux, allez voir stillremains.com ou encore le myspace.com/stillremains. J'ai regardé la liste des choses qui nous restent vraiment parce que je disais qu'il nous restait rien, mais en fin de compte, il y a quelques albums. Si vous voulez les voir, c'est des albums de rap, surtout allez voir sur lunchance.com. On n'a malheureusement pas le temps de jouer Marie-Mé avec qui prendra ma place. C'est triste quand ça arrive, des choses demain. OK. Donc, on finit l'émission avec mon coureur de la semaine que j'ai choisi, c'est-à-dire Bradley. L'album s'appelle Pink Pill Program. On va entendre la pièce Broken. Alors que moi, ben, je vous remercie d'avoir écouté l'émission au complet. On a écouté beaucoup, beaucoup de choses, de très bonnes choses. Allez voir tous les noms des pièces et les liens vers les sites des artistes sur le www.unechance.com. De la part de toute l'équipe, ben moi c'est Mathieu Plante et je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo les jeudis, samedi et mardi à midi. Dans les palmarès, c'est fou les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. Et dans La Chance au coureur qui est diffusée en direct les vendredis matin à 10h et en rediffusion les samedis et mardis à 14h. Si vous écoutez le vendredi, restez là pour Alain Lefebvre et Rock Classique à partir de 13h. Si vous écoutez la rediffusion, restez là pour la dernière porte à gauche parce que Key One vous prépare toujours de très très bonnes émissions, comme Alain, comme tous les animateurs de C'est Fou. On est hot. C'est pas vrai. C'est une bonne radio remplie de bonne musique. Donc, on se quitte avec une pièce de Bradley. Voici Broken de la part de toute l'équipe fictive de la chance au coureur. Mon nom est Mathieu Plante. Bonne semaine et bonne chance. Best thing I have seen. Now it's broken.